Rock n'est pas à vendre. Oh, je le pense bien. Mais il s'arrangerait à merveille de vivre avec mon ami. J'étais là hier soir, quand Miranda l'a rencontré sur la terrasse. L'enfant était en train de se chamailler avec un gardien, qui voulait le faire sortir du jardin, parce qu'on allait fermer. Dès que Miranda s'en est mêlé, il est devenu doux comme un mouton, et il l'a suivi, sans faire l'ombre d'une difficulté. Ils se sont entendus tout de suite, et j'ai pu m'apercevoir qu'ils ont le même caractère. Le petit est aussi rageur que le grand est violent. Ce n'est pas peu dire, je crois. Votre ami me fait l'effet d'un sauvage qu'on aurait jeté tout à coup au milieu des civilisés. Il n'obéit qu'à ses passions, ou plutôt à ses instincts. Il ne connaît aucun frein. Il marche à travers le monde sans se soucier des victimes qu'il écrase. Il m'effraie. Vraiment ? Je croyais que vous vous intéressiez à lui. Comme on se préoccupe d'un dangereux ennemi. Comme un berger s'inquiète du loup qui rôde autour du troupeau. Je vous assure, madame, que Jean vaut beaucoup mieux que vous ne pensez. Les brebis qu'il a enlevées ne demandaient qu'à être croquées. Qu'en savez-vous ? Demanda vivement madame de Ganges. Celle que je connais du moins, des demoiselles du quartier latin. Il n'a pas toujours vécu à Paris. Il n'en est pas sorti depuis qu'il a quitté le collège. Je croyais qu'il avait un oncle dans la province où je suis né, en Languedoc. Il ne l'a pas vu depuis 5 ans, cet oncle, et il s'est brouillé avec lui pendant un voyage à Montpellier. Le seul qu'il ait fait depuis sa majorité. Vous a-t-il parlé quelquefois de ce voyage ? Très peu. Il en a gardé un mauvais souvenir, et c'est un sujet qu'il évite d'aborder. J'ai cru comprendre qu'il lui est arrivé là-bas une aventure désagréable, mais il ne me l'a jamais racontée. Le contraire m'étonnerait beaucoup. Vous la connaissez donc, cette aventure ? Dispensez-moi, monsieur, de vous répondre. Vous préférez répondre à Jean, que vous allez voir bientôt, et qu'il ne va pas manquer de vous interroger. Sur quoi, je vous prie ? Mais quand ce ne serait que sur cet enfant qui, tout à l'heure, viendra se jeter dans vos bras ? Se jeter dans mes bras ? Non, je ne crois pas, murmura madame de Ganges, qui, depuis quelques instants, regardait avec persistance du côté où, la veille, les deux amis avaient rencontré le petit Roc. Mais, reprit-elle, quoi qu'il arrive, je remercierai monsieur de Miranda. De quoi le remercieriez-vous ? D'avoir été inconvenant lorsqu'il vous a abordé, dimanche dernier, sur cette terrasse ? Je le remercierai d'avoir recueilli ce pauvre petit. Il vous répondra en vous demandant s'il est à vous. Je dois m'y attendre, puisque vous m'avez adressé la même question. Une question qui ne paraît pas vous embarrasser. Oh, pas du tout. Et vous ne tarderez guère, monsieur, à savoir à quoi vous en tenir. Qu'attendez-vous pour me dire la vérité ? J'attends que votre ami soit là. Il est plus intéressé que vous à la connaître. Voilà un commencement d'aveu, s'écria Cormier. Mais tenez, le voici, ou plutôt les voici. Miranda, en ce moment, apparaissait en haut de l'escalier, tenant par la main le petit Roc, et délivré de la compagnie des donzelles qui l'avaient accosté près du bassin. Sans doute il venait de les congédier en apprenant de la bouche de l'enfant que l'énigmatique maman Jacqueline était sur la terrasse. Paul Cormier se leva pour l'appeler du geste. La marquise ne bougea pas, et Roc lâcha la main de Miranda pour courir à elle. Mais tout à coup, obliquant à droite, il se lança à toutes jambes, vers les quinconces, où ne manquaient ni les gamins de son âge, ni les femmes assises au pied des marronniers. Miranda n'essaya point de le rattraper. Il avait aperçu son ami et la blonde qui s'était naguère montrée si revêche à ses galanteries, à la hussarde. Il savait par Paul que cette blonde récalcitrante était la marquise de Ganges, mais il ne se doutait pas qu'elle était aussi maman Jacqueline. Et il ne résista pas à l'envie qui lui prit de s'expliquer avec elle, avant de courir après l'enfant. Il avait tué son mari. Ce n'était pas une raison pour la fuir, et il vint à elle avec toute la bravacherie de Don Juan invitant à souper la statue du commandeur, qu'il avait envoyé dans l'autre monde. Pâle mais résolue, madame de Ganges le regardait sans baisser les yeux. Elle attendait qu'il parlât, et ce fut Cormier qui dit à son ami « Madame te connaît, il est inutile que je te présente. »« Parfaitement inutile, appuya Miranda. Je sais que j'ai l'honneur d'être le compatriote de madame, qui s'appelait autrefois mademoiselle de Mazillargue. » Et je sais aussi qu'elle m'accuse d'avoir troublé sa vie. C'est à toi qu'elle l'a dit, et c'est toi qui me l'as répété. » Et comme la marquise continuait à se taire, il reprit d'un ton moins assuré. « Si ce reproche s'appliquait à un malheur récent que je déplore, je prierais madame de me pardonner. Mais si je ne me trompe, il s'agirait de torts graves que j'aurais eus autrefois. « Il y a 5 ans, interrompit madame de Ganges. « Envers vous, madame, je pensais vous avoir vu pour la première fois dimanche dernier. » À la place où vous êtes assise en ce moment. Vous avez donc oublié que vous êtes venu à Fabrègues ? À Fabrègues, répéta Mirande en fronçant le sourcil. Oui, au village, près duquel mon père avait un château. Je sais, mais je ne me rappelle pas vous avoir rencontré pendant le très court séjour que j'ai fait tout près de là, dans un domaine qui appartient encore à mon oncle. Vous y étiez le jour de l'ouverture des vendanges ? Oui, je crois. Vous croyez, répéta la marquise. Vous n'êtes pas sûr ? Alors vous n'avez pas gardé de ce jour un souvenir distinct ? Il aurait dû pourtant marquer dans votre vie. Paul fut très étonné de voir que Mirande changeait de visage. Il le fut bien plus encore de l'entendre répondre. C'est vrai, ce jour-là, j'ai commis une mauvaise action. Non, monsieur, pas seulement une mauvaise action, un crime, car vous pouviez la réparer, et vous ne l'avez pas fait. Paul tombait de son haut. Il se demandait de quelle espèce de crime son camarade avait pu se charger de la conscience, en Languedoc. C'était bien assez d'avoir tué le marquis sur le boulevard Jourdan. Il commençait pourtant à deviner qu'il ne s'agissait pas d'un autre meurtre, et que la première victime de Mirande n'était pas un homme. « Comment l'aurais-je réparé ?» balbutia le coupable. « Je suis parti le lendemain. » « Et vous n'êtes jamais revenu. Et vous ne vous êtes jamais inquiété de savoir ce qu'il adviendrait de la malheureuse enfant que vous aviez indignement trompée. Vous pourriez ajouter qu'elle n'a rien fait pour se rappeler à moi. Qu'aurait-elle pu faire ? Vous aviez pris un faux nom, parce qu'elle ne vous aurait pas cédé si elle avait su que vous étiez le neveu du comte de Mirande, le plus riche propriétaire du département de l'Hérault. Mais elle a cru à vos promesses de mariage, car vous êtes allé jusqu'à lui jurer de l'épouser. Et quand elle a connu la vérité, c'est moi qui la lui ai apprise. Il était trop tard, elle avait été obligée de m'avouer sa faute. Elle aurait pu m'écrire. Pourquoi ? Pour vous demander un secours ? Elle n'y a pas pensé. Et si cette pensée lui était venue, je l'aurais détournée de tenter une démarche humiliante. Ce n'était pas de l'argent qu'elle voulait de vous. Qu'en aurait-elle fait d'ailleurs ? Depuis son malheur, je me suis chargé d'elle, et elle n'a jamais eu à souffrir de la misère. C'eût été trop. Elle a assez souffert par le cœur. « Oh, par le cœur !» murmura ironiquement Mirande, déjà lasse de supporter des reproches, sans y répondre. « Oui, monsieur, répliqua Madame de Gange, elle vous aimait, et vous l'avez trahi. »« Elle m'aimait, dites-vous ? Et elle vous aime encore. » Singulier amour, qui ne lui a pas inspiré l'idée si simple de me donner de ses nouvelles. Un silence de 5 ans ? J'avais bien le droit de me croire oublié. Elle n'a pas cessé un seul instant de penser à vous. Mais elle n'était plus en France, elle voyageait avec moi, car elle ne m'a jamais quitté, et elle ne me quittera jamais. Elle est donc à Paris ? Depuis que j'y suis revenu, oui, monsieur. Et elle n'a pas cherché à me voir ? Elle vous a vu. Sans que je la voie, alors. Vous l'avez peut-être vue sans la reconnaître. Je ne crois pas, ou il faudrait qu'elle fût bien changée. Elle est aussi belle qu'au temps où on l'appelait la perle de Fabrègues. Eh bien, pourquoi se cache-t-elle ? Elle ne se cache pas, répondit Madame de Gange, qui regardait du côté où le petit roc avait couru. Paul Cormier commençait à comprendre. Depuis l'entrée en scène de son camarade, il n'avait pas dit un mot, mais il avait vu où était allé l'enfant, et il attendait avec anxiété que la marquise se décidât à expliquer une citation qu'il croyait deviner. « Monsieur, reprit-elle, toujours en s'adressant à Mirande, vous ne nieriez plus maintenant que vous avez troublé ma vie. Je vous ai pardonné le mal que vous m'avez fait. Il me reste à vous dire que je vous suis reconnaissante d'une bonne action. » « Sans vous, Dieu sait ce que serait devenu l'enfant dont vous avez pris soin depuis hier. »« Quoi, vous savez ?»« Votre ami m'a renseigné. »« Il est ici, cet enfant, je l'ai amené. Il vient de me quitter. »« Il n'est pas loin, murmura Paul. »« Et il paraît que sa mère y est aussi, il me l'a dit. »« Et je suppose que l'ayant aperçu, il aura couru la rejoindre. » Puis se reprenant, Mirande ajouta. « Non, il s'est trompé, ce n'est pas elle, car le voilà qui revient. » Roc arrivait, en effet, lancé à fond de train. Et sans s'inquiéter de son bon ami Jean, comme il l'appelait déjà, il sauta d'un bond sur les genoux de Madame de Gange en criant. « Ne me gronde pas, maman Jacqueline, c'est petite mère qui m'a retenu. » La maman Jacqueline fit encore une fois son effet. Mais ce fut Mirande qui reçut le coup. Comme tout à l'heure, Paul Cormier, il crut comprendre que Roc était le fils de la marquise, et cette découverte n'était pas faite pour lui plaire. Il n'était pas amoureux de Madame de Gange. Lui, et peu lui importait qu'elle eût caché la naissance d'un enfant illégitime. Mais il ne pouvait guère espérer qu'elle le lui laisserait, cet enfant, qu'il aurait voulu garder. Et il ne se gêna pas pour exprimer tout haut ce qu'il ressentait. « Allons, dit-il décidément, je n'ai pas de chance. Je m'étais attaché à ce petit, et je ne le reverrai plus. »« Qu'en feriez-vous s'il restait avec vous ?» demanda la marquise, en le regardant fixement. « J'en ferai un homme. »« Un homme à votre image ?» soupira maman Jacqueline. « Non, madame. » un homme qui vaudrait mieux que moi. Ce ne serait pas difficile, et je l'aurais adopté pour qu'il héritât de mon nom et de ma fortune. Je cherchais à me persuader qu'il n'avait personne pour l'aimer. Je vois que je me suis trompé, c'était un rêve. Je tâcherai de l'oublier. Vous y parviendrez, vous avez déjà oublié tant de choses. Pas tant que vous croyez, mais que voulez-vous? Il paraît que j'ai la bosse de la paternité, et que je n'ai pas la bosse du mariage. En d'autres termes, vous avez de la sympathie pour cet enfant, et s'il était orphelin, vous seriez heureux de vous charger de lui. Vous devinez ma pensée, mais il a au moins une mère, et une mère qui ne consentirait pas à se séparer de lui. « Oh non !» murmura Madame de Ganges en étreignant le petit Roc. « Vous voyez bien que je n'ai plus qu'à essayer de me consoler. On ne lutte pas contre sa destinée. Il était écrit là-haut que je finirais seul, comme mon oncle qui mène depuis des années la vie d'un vieux sanglier solitaire. C'est dans le sang des Mirandes. Personne ne les aime. Eux n'aiment pas souvent, et quand ça leur arrive, ça ne leur réussit pas. Ma foi, je me résigne. » « C'est dommage, vous aviez la vocation. Il a suffi de quelques heures pour que vous vous attachiez à cet enfant que vous n'aviez jamais vu. Que serait-ce donc s'il était votre fils ? S'il était mon fils, je le prendrais, quoi qu'on fît pour m'en empêcher. Aucun sacrifice ne me coûterait. Même celui de votre liberté ? Oui, madame, j'irai jusqu'à épouser sa mère. Mais vous savez mieux que personne que c'est impossible. Pourquoi mieux que personne ? Cet enfant n'est pas le mien. » Mirande s'inclina en souriant pour exprimer qu'il ne voulait pas donner un démenti à une femme. « Maman Jacqueline, » s'écria tout à coup le petit Roc, « je ne sais pas pourquoi maman Bernadette a du chagrin. Elle ne fait que pleurer. Allons la consoler, veux-tu ?» Ce nom de Bernadette fit tressaillir les deux amis. Paul savait, par les strigous, que c'était celui de l'héritière. Il ne l'avait pas prononcé devant Mirande, mais Mirande le connaissait de longue date, ce nom, assez répandu dans le midi de la France, et presque ignoré à Paris. Mirande avait eu de bonnes raisons pour le retenir. Et il s'étonnait de l'entendre sortir de la bouche de cet enfant. « Il parle de sa mère, » dit Madame de Ganges, « et sa mère est ma meilleure amie. Je vais le lui ramener. »« Elle est donc ici ?» demanda Mirande, fortement troublée. « Oui, monsieur, et je me reprocherai de la priver plus longtemps de son fils. » Madame de Ganges ajouta en se levant, « Je ne vous empêche pas de me suivre, messieurs. » Ils profitèrent de la permission sans trop savoir où elle allait les conduire, car il n'apercevait sous les quinconces que des bandes de gamins et des bonnes qui les surveillaient. Roc courait devant la marquise, et ils le virent disparaître derrière le tronc d'un gros marronnier qui leur cachait en partie une femme assise à l'ombre de ce vétéran des plantations du Luxembourg. Ils pressentaient tous les deux qu'ils touchaient au dénouement d'une situation qui, depuis 3 jours, ne faisait que se compliquer de plus en plus, et ils étaient trop émus pour échanger leurs impressions, même à voix basse. Paul fut le premier à apercevoir le profil de Bernadette, entre 2 embrassades du petit garçon, qui la tenait par la tête et la couvrait de caresses pour sécher ses larmes. Et du premier coup d'œil, Paul reconnut la charmante jeune femme qu'il avait rencontrée dans le jardin de l'hôtel de l'avenue Montaigne, le jour de sa visite à la veuve du marquis. La vérité éclatait enfin. L'enfant, qui avait oublié ses jouets sur un banc, était l'enfant de l'ami de Madame de Ganges, qui n'avait pas à rougir d'une maternité clandestine. Paul se reprochait déjà de l'avoir soupçonné. Mirande reçut un coup au cœur. Lui aussi, il reconnut Bernadette, et pas pour l'avoir entrevue un instant, l'avant-veille. C'était Bernadette qui l'avait séduite à Fabrègue pendant ce fatal voyage, d'où il avait rapporté la malédiction de son vieil oncle et le remords d'avoir abusé de l'innocence d'une jeune fille sans défense. Son passé se dressait tout à coup devant lui, et devant cette apparition, il restait immobile et sans voix. Il aurait voulu demander pardon à sa victime, et il ne trouvait pas une parole. Elle le regardait, pâle et perdu, et elle serrait contre son cœur le petit Roc, comme si elle eût craint que Mirande le lui arrachât. « Il est à vous, monsieur, » dit Madame de Ganges en montrant l'enfant. « L'aimerez-vous moins parce que vous êtes son père ?» Le beau Mirande, le brillant champion des écoles, le don Juan du quartier latin, passa un cruel moment. Sa fierté se révoltait encore à la pensée de confesser ses torts, et de s'humilier devant celle qui l'avait offensée en la suppliant de lui rendre cet enfant, qu'il avait abandonné comme il avait abandonné la mère. « Demandez-lui donc de choisir entre elle et vous, » reprit la marquise. Et comme il se taisait, « Roc, » demanda-t-elle, « veux-tu aller demeurer chez monsieur ou bien rester avec maman Bernadette ?»« Je veux rester avec maman, » répondit sans hésiter l'enfant, « mais je veux bien qu'il vienne chez nous, parce que je l'aime bien. » « Il a choisi, » dit Madame de Ganges, « vous ne le verrez plus, car vous ne verrez plus sa mère. » Et votre fils, qui ne portera pas votre nom, aura le droit de vous maudire. L'orgueil de Mirand ne tint pas contre cette évocation de l'avenir qui attend les pères coupables. Il fléchit le genou sans se soucier de l'étonnement des promeneurs du Luxembourg, où les amoureux ne s'agenouillent guère, et prenant la main de Bernadette, il lui dit « Pardonnez-moi et soyez ma femme ». Les derniers mots se firent un peu attendre, mais il les prononça très distinctement et très résolument. « Non, répondit Bernadette, c'est trop. Vous regretteriez peut-être de m'avoir épousée. Que notre fils reconnu puisse porter votre nom, et je vous bénirai. Je vous ai déjà pardonné. Si je me bornais à le reconnaître, Roque de Mirande ne serait que mon fils naturel. Notre mariage le légitimera. » Madame de Ganges, trop émue pour parler, tendit silencieusement la main à son compatriote, qui la prit et qui, en la serrant, ne put pas dissimuler un tressaillement de surprise. « Oui, dit-elle en souriant tristement, j'ai la main froide. Ne le saviez-vous pas, vous qui êtes de mon pays? C'est à cela qu'on reconnaît les filles de ma race. Ma mère était ainsi. » Il y a un proverbe sur les mains glacées, essaya de dire Mirande. Elle ne le laissa pas s'achever et elle reprit. « Aurez-vous le courage de tenir l'engagement que vous venez de prendre? Vous êtes noble et Bernadette est du peuple. Vous êtes riche et elle n'a rien. Je me moque des préjugés de caste et je suis très heureux qu'elle soit pauvre. Si elle était plus riche que moi, j'hésiterais à l'épouser. » « Non, dit vivement la marquise, vous n'hésiteriez pas. Vous ne renonceriez pas à être heureux par crainte d'être accusé, de vous être mésallié par intérêt. Vous êtes au-dessus d'un tel soupçon, et votre ami est témoin que vous ne vous êtes pas occupé de savoir si Bernadette avait de la fortune. » « Petite mère, ne pleure plus, interrompit Roque. Veux-tu me permettre d'aller jouer ? Dit maman Jacqueline. « Va, mon ami, mais ne t'éloigne pas. » L'enfant ne se le fit pas dire deux fois. Il se précipita pour aller se joindre à une bande de gamins qui jouaient à la toupie, et en courant, il se jeta dans les jambes de deux messieurs qu'il faillit renverser. Le plus grand trébucha si bien qu'il lâcha des sonores jurons, et comme il jurait en patois languedocien, Madame de Ganges et Bernadette se retournèrent pour le regarder, car elles s'étonnaient d'entendre parler la langue d'oc sous les marronniers du Luxembourg. Paul Cormier se retourna aussi, et il ne put retenir un cri de surprise en voyant Monsieur Lestrigou flanqué de son vieux confrère Robardin. Les deux vétérans du barreau étaient venus achever au Luxembourg leur tournée à travers le quartier latin, et ils s'attendaient un peu à y rencontrer Paul. Mais ils ne s'attendaient guère à y rencontrer l'héritière des 6 millions. Lestrigou la reconnut plus vite qu'elle ne le reconnut. Mais pour Madame de Ganges, il y mit plus de temps, parce qu'elle avait changé à son avantage depuis qu'elle n'était plus Mademoiselle de Marzillargues. Il les aborda toutes les deux à la fois, la marquise respectueusement et Bernadette familièrement. Et après de courtes salutations, il entama un exorde ex abrupto. « Petite, dit-il en se frottant les mains, c'était son tic. J'ai ta porte des quoi trouver un mari à ton goût. Tu n'auras qu'à choisir. » Ce début fit froncer le sourcil de la Mirande et Bernadette rougit jusqu'aux oreilles. L'ancien bâtonnier venait de mettre, comme on dit, les pieds dans le plat. « Si tu commençais par me présenter, interrompit Bardin. « C'est juste, répondit l'imperturbable Lestrigou. « Madame la marquise, et toi, petite, je vous présente mon ami Bardin, qui fut jadis une des lumières du barreau parisien et qui est aussi l'ami des Monsieur Paul Cormier, qui j'ai le plaisir d'y voir en votre compagnie. Es-tu content ? Demanda d'un air goguenard l'ancien bâtonnier. Très content. Il ne me reste qu'à prier Paul de nous mettre en rapport avec Monsieur. Monsieur Jean de Mirande, commença Paul en regardant le vieil avocat dans le blanc des yeux. Bardin fit la grimace, mais il ne dit plus mot. Mais si je ne me trompe, « Monsieur Desmirandes est un compatriote, » reprit Lestrigou. « Originaire du Languedoc, oui, monsieur, » répondit froidement l'étudiant, qui donnait à tous les diables les deux vieux avocats survenus si mal à propos. « Tout ce pays, » s'écria Lestrigou. « J'ai pu donc parler sans contrainte d'une nouvelle qui va révolutionner notre province. 6 millions qui tombent dans l'établier d'une honnête fille. » Des 5 personnes qui écoutaient ce brave homme, Bernadette seule ignorait la grande nouvelle, et elle ne devina pas du tout qu'il s'agissait d'elle. Lestrigou s'empressa de mettre les poings sur les i. « Oui, petite, » reprit-il, « t'es voilà 6 fois millionnaire. » Cette fois, tous furent étonnés, excepté peut-être Bardin, qui venait d'entendre un instant auparavant son vieil ami appelé par son nom l'héritière, et Paul Cormier, qui savait depuis le matin que ce nom était celui de la protégée de la marquise. « Moi, » murmura Bernadette, « ce n'est pas possible. De qui donc me viendrait cette fortune ? Je n'ai plus de parents. » « Tu avais encore ton père, il y a 6 mois, » répondit Lestrigou. « Tu les croyais morts, parce qu'il n'était jamais donné des ses nouvelles. Eh bien, il vivait très bien à San Francisco, où il s'était enrichi, et il y est décédé. Subitement. C'est heureux, car il n'a pas eu le temps de tester et il t'aurait peut-être déshérité. La loi américaine lui en donnait les droits depuis qu'il s'était fait naturaliser citoyen des États-Unis. Mais il n'a pas laissé des testaments, et toute la fortune de François Lamalou t'appartient. Les formalités ont été remplies là-bas, par l'intermédiaire du consul des France. Il n'y reste plus qu'à t'envoyer en possession, et ce ne sera pas long. Eh bien, petite Bernadette, avais-je raison de te dire tout à l'heure qu'en fait des maris, tu n'aurais qu'est l'embarras du choix. Depuis que je suis arrivé à Paris, c'est-à-dire depuis hier soir, on m'en a déjà recommandé un, ajouta l'ancien bâtonnier en regardant du coin de l'œil Paul Cormier, qui le donnait mentalement à tous les diables. Personne ne comprit l'allusion, si ce n'est celui qu'elle concernait, et aussi le père Bardin, qui en fut charmé. La marquise avait entendu Paul lui dire, quelques instants auparavant, que Bardin rêvait de la marier à l'héritière languedocienne, mais elle n'y pensait déjà plus. Et elle se hâta de prendre la parole pour couper court au projet des deux vieux avocats. « Bernadette a choisi, messieurs, dit-elle simplement. Bernadette est fiancée à M. Jean de Mirande, que M. Cormier vient de vous présenter. »« Vous badinez ? » s'écria Lestrigou. « Badinez, Madame de Ganges n'y songeait guère. » Et dans la situation, le mot était grotesque. Mais les méridionaux le mettent à toutes les sauces, et Lestrigou l'avait dit si naturellement qu'il n'y avait pas lieu de se fâcher. « Si vous en doutez, messieurs, reprit la marquise, interrogez M. de Mirande. » Il était très troublé, Mirande, et il hésita avant de répondre. « Quand j'ai demandé la main de mademoiselle, j'ignorais qu'elle avait des millions. » « Et qu'importe qu'elle soit riche, s'écria la marquise. Je ne le suis pas assez pour l'épouser. » Bernadette pâlit. Sa protectrice fronça le sourcil. Et Lestrigou ne manqua pas l'occasion de dire comme aurait pu le faire en pareil cas le légendaire M. Prudhomme. Voilà un trait de désintéressement qui devrait servir d'exemple à la jeunesse d'à présent. Bardin approuva du geste la sentence émise par son ami. Il n'avait pas encore renoncé tout à fait à sa toquade de marier Paul aux millions de Bernadette. Et il trouvait fort bon que Mirande retirât sa candidature. À ce moment, le conciliabule fut dérangé tout à coup par un survenant qu'on n'attendait pas si tôt. Roc, après avoir bousculé les deux vieillards, était allé se mêler à une bande enfantine qui l'avait mal reçue. Il n'était pas du jeu, et on ne voulut pas l'y admettre. Dans le petit nombre, c'est comme dans le grand. Il y a des coteries. Et Roc, repoussé par ses gamins exclusifs, se repliait en courant sur le groupe qui entourait les deux mères. Il ne s'adressa ni à la vraie, ni à l'autre. Il grimpa aux jambes de Mirande, qui ne résista pas à l'envie de l'enlever dans ses bras pour l'embrasser. « Voulez-vous me prêter votre canne ? » criait le gamin en se débattant. « Ma canne, et pourquoi faire ? » demanda l'étudiant. « Pour battre les polissons qui jouent là-bas à la toupie. » « Elle est plus haute que toi, ma canne, tu ne pourrais pas la porter. »« Eh bien, alors venez avec moi et laissez-moi vous appeler papa devant eux. Ils croiront que vous l'êtes et ils n'oseront plus refuser de jouer avec moi. » « Parbleu, dit tout bas le bonhomme Bardin, ce ferrailleur serait vraiment le père de ce moutard qui parle déjà de rosser les autres, ça ne m'étonnerait pas, car bon sang ne peut mentir. » Mirande faisait la plus singulière figure du monde. Après la déclaration qu'il venait de lancer, il aurait dû, pour être conséquent avec lui-même, rendre l'enfant à sa mère, qu'il ne voulait plus épouser, de crainte qu'on ne l'accusât de se mésallier par spéculation. Mais Roc, qui s'était accroché à son cou, ne le lâchait pas, et criait de sa voix flûtée. « Papa, papa, j'ai retrouvé petite mère, mais je ne veux pas vous quitter. Venez avec nous. »« C'est par délicatesse que vous refusez, dit Madame de Ganges. Vous le croyez ? Eh bien non, c'est par vanité. Si vous aviez du cœur, vous ne penseriez qu'à réparer le mal que vous avez fait, au lieu de vous préoccuper de l'opinion du monde. Bernadette en a, elle, du cœur, et je suis sûr qu'elle renoncerait à cet héritage, s'il le fallait pour légitimer son enfant. »« J'y renonce, murmura la jeune femme. »« Pardon, s'écria Lestrigou. On n'y renonce pas comme ça à une succession. Il ne suffit pas de dire « je n'y veux pas ». La résolution de Mirande ne tint pas devant cette scène où le petit Roc jouait le principal rôle. Il le porta dans les bras de sa mère et comme le gamin se cramponnait, il lui dit « n'aie pas peur, nous serons deux à t'aimer ». En même temps, il baisa la main de Bernadette sans s'agenouiller cette fois. Mais ce baiser devant quatre témoins, c'était comme s'il lui eût passé au doigt l'anneau des fiançailles. « Alors, vous allez venir demeurer avec nous ?» demanda l'enfant terrible, et comme sa mère avait les larmes aux yeux. « Pourquoi pleures-tu, maman Bernadette ? Mon bon ami, il nous reste. Tu vois bien que maman Jacqueline est contente. » Il n'y avait pas que maman Jacqueline. Bernadette pleurait, mais c'était de joie. Mirande était heureux, comme on l'est, quand on vient de se mettre en règle avec sa conscience, et Lestrigou se frottait les mains en disant « Comme j'ai bien fait de venir à Paris !» Relégué au second plan, Paul Cormier approuvait. mais le père Bardin ne s'associait pas à la satisfaction générale. Il n'avait jamais porté Mirande dans son cœur. Il trouvait souverainement injuste que ce batailleur couronnât sa carrière de mauvais sujet en épousant une archimillionnaire, qui aurait très bien pu faire le bonheur de Paul Cormier. Il oubliait que ce mariage n'était qu'une réparation, et il ne se doutait pas que son protégé Paul avait d'autres visées. « Alors, continua Roch, nous allons tous rentrer chez maman Jacqueline, j'en ai assez, moi, du Luxembourg. »« Il va bien, les petits, » dit en riant Lestrigou. La marquise saisit l'occasion de s'expliquer sur un point intéressant pour tout le monde. « Messieurs, dit-elle, mon amie Bernadette Lamalou n'a jamais cessé d'habiter chez moi depuis que nous avons quitté le Languedoc. Elle et son fils y resteront jusqu'au jour où elle se mariera. En attendant, ma maison vous sera ouverte, et je serai charmé de vous y voir. » L'invitation était collective. Paul crut lire dans les yeux de Madame de Ganges qu'elle tenait à ce qu'il en profitât, et il se reprit à espérer que l'avenir le dédommagerait des pénibles épreuves par lesquelles il venait de passer. « Tiens !» cria tout à coup Roch, qui ne restait jamais en repos bien longtemps. « Voilà Coussergue, je vais lui dire bonjour. » Et il partit à toutes jambes pour aller joindre l'homme que Paul avait surpris la veille au soir en faction devant la maison de Mirande, et qui, planté maintenant sous les arbres, à 50 pas du groupe qui entourait la marquise, semblait monter la garde, en attendant qu'on l'appelât. Et la marquise lui fit signe de venir. Il vint à pas compter, ramenant l'enfant, et Madame de Ganges le présenta sans qu'il desserrât les dents. Elle ne l'avait appelé que pour l'interroger avant d'entamer une confession, que Paul Cormier pressentait. Aux brèves questions qu'elle lui adressa, M. Coussergue répondit brièvement, et la marquise commença en s'adressant à Mirande. « Monsieur, c'est moi qui ai tout fait. Je n'ai pas pu me résigner à laisser souffrir plus longtemps Bernadette. Nous ne pouvions, ni elle ni moi, tenter une démarche directe, surtout après ce qui s'était passé dimanche entre vous et moi. Et Bernadette ne voulait pas continuer à vivre comme elle vivait. Alors j'ai eu une idée. J'ai toujours cru à la voix du sang. J'ai voulu faire un essai. Je me suis dit que peut-être, si vous voyiez votre fils, votre cœur parlerait. Je ne me trompais pas, puisque vous l'avez recueilli sans le connaître. » « C'est donc volontairement que hier vous l'avez laissé sur cette terrasse, » interrompit Mirande, « contre la vue et malgré les prières de sa mère. « Oui, monsieur. J'ai eu beaucoup de peine à décider Bernadette à partir, et j'avais pris mes précautions pour qu'il ne m'arrivât pas à l'enfant. » Monsieur Coussergue veillait sur lui. « Si vous n'aviez pas parlé à Roch en passant, monsieur Coussergue l'aurait reconduit chez moi. Vous vous êtes intéressé à cet enfant. Vous l'avez emmené. Monsieur Coussergue vous a suivi. Il y aura bientôt 24 heures qu'il vous suit. » Vous aviez donc deviné que je reviendrais aujourd'hui au Luxembourg, puisque je vous y ai trouvé. Je savais par M. Cormier que vous y veniez tous les jours, et je supposais que vous rechercheriez la mère de l'enfant que vous aviez recueilli. Si vous n'étiez pas venu, je serais moi-même allé le réclamer chez vous. Et lui, vous l'aviez mis dans la confidence? Non, monsieur, je savais qu'il n'aurait pas peur en se voyant tout seul. Il n'a peur de rien, et je ne doutais pas qu'il ne vous demandât à lui-même de le ramener aujourd'hui, à l'endroit où vous l'avez trouvé hier. Tout s'est passé comme je l'avais prévu, et j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous demander pardon d'avoir eu recours à ce moyen. Mon excuse, c'est que je n'en avais pas d'autre à ma disposition. Et, ajouta en souriant la marquise, à l'employé, je risquais quelque chose. Je risquais de passer pour être la mère de Roch. Demandez plutôt à M. Cormier. Paul rougit et balbutia quelques mots de protestation. Mais Madame de Ganges reprit. Tout le monde s'y serait trompé. « Cet enfant est accoutumé à ne faire aucune différence entre ma chère Bernadette et moi. Il croit qu'il a deux mères. »« Il me l'a dit, » murmura Mirande. « Il ne se trompe qu'à demi, car je l'aime comme s'il était à moi. »« Il n'est pourtant pas sans défaut, » ajouta malicieusement la marquise, en regardant d'une certaine façon Mirande, qui comprit et qui dit sans hésiter. « Il a les miens. Il a aussi les qualités de sa mère. »« Et je ne suis pas fâché qu'il ait mes défauts, » dit Mirande, rassérénée. Puis à Bernadette. « Vous l'en guérirez, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux pour vous y aider. » Cette déclaration équivalait à une nouvelle promesse de mariage, et de celle-là, Mirande ne se dédirait plus, sous prétexte que Bernadette était trop riche. Madame de Ganges pensa qu'il fallait en rester là. « Au revoir, messieurs, » dit-elle. Et elle le dit si bien que tous comprirent qu'il n'avait plus qu'à s'éloigner, sans en demander davantage. Cet au revoir s'adressait aussi bien à Lestrigou qu'aux deux étudiants. Mais Bardin ne le prit pas pour lui, et peut-être n'eut-il pas tort. Roch ne laissa pas partir Mirande sans lui faire promettre qu'il reviendrait dès le lendemain jouer avec lui dans le jardin de maman Jacqueline. Mirande n'avait garde d'y manquer. Il prit le bras de Paul qui était plus troublé que satisfait. Lestrigou s'accrocha au père Bardin, et pour ne pas gêner plus longtemps ces dames, En restant sur la terrasse où il les laissait, ils s'acheminèrent deux par deux vers l'escalier par lequel Mirande était arrivée avec le petit Roc. Les vieux ne se réunirent aux jeunes qu'au bord du bassin central, et ce fut pour se séparer après avoir échangé quelques mots. « Eh bien, » demanda brusquement Mirande dès qu'il fut seul avec son ami, et la voix du sang. « Je commence à y croire, » murmura Paul. « Cet enfant est le tien, tu ne peux pas le renier. »« Alors tu m'approuves de le reconnaître ?»« C'est ton devoir, et je t'approuve aussi d'épouser la mère. » »« Je l'épouserai, mais toi, n'épouseras-tu personne ?»« Qui voudra de moi ?»« La marquise, elle t'aime. » »« Tu te trompes, je lui suis indifférent, à moins qu'elle ne me haïsse, et je n'en serai pas surpris. » »« Tu n'y entends rien, je m'y connais, moi. » Et je t'affirme qu'elle sera ta femme si tu veux. Nous nous marierons le même jour. Dans 10 mois alors, car il n'y a pas 4 jours qu'elle est veuve. Cherche l'article du code civil. Ce serait trop faire attendre Bernadette.